Le voyage nocturne et l'ascension. Al-Isra wal-Mi'raj. La fin de la période mécoise de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut caractérisée par des fortunes très diverses, oscillant d'un extrême à l'autre. On pouvait observer un succès peu à peu grandissant, avec en parallèle des persécutions continuelles. Toutefois, des lueurs d'espoir ne cessaient de poindre à un horizon qui semblait plutôt lugubre, et elles se matérialisèrent finalement dans l'événement extraordinaire que fut le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Jérusalem, suivi par son ascension à travers les cieux. La date de cet événement est controversée, et aucun consensus n'a été réalisé jusqu'à présent à ce propos. Cependant, la plupart des savants penchent pour une date comprise entre 12 et 16 mois avant l'émigration à Médine, l'Égir. Ce qui suit est un résumé des détails relatifs à ce miracle rapporté par Ibn al-Qayyim. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut transporté physiquement depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée lointaine, al-Masjid al-Aqsa, à Jérusalem, sur un animal nommé al-Buraq, en compagnie de l'archange Gabriel, Jibril. À Jérusalem, il mit pied à terre, accrocha al-Buraq à un anneau fixé dans la porte de la mosquée al-Aqsa, et dirigea ensuite une prière commune dont l'assemblée était composée par tous les prophètes qui l'avaient précédé dans l'histoire. Après cela, Jibril, Gabriel, l'emmena jusqu'aux cieux sur le même animal. Lorsqu'ils eurent atteint le premier ciel, Gabriel demanda à l'ange gardien d'ouvrir la porte de ce ciel. Elle leur fut ouverte et il vit Adam, alayhi salatu wassalam, le père de l'humanité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le salua, et Adam, alayhi salatu wassalam, lui rendit son salut, et lui souhaita la bienvenue et exprima sa foi en sa mission prophétique. Dieu fit voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam les âmes des martyrs et celles des réprouvés. Jibril monta ensuite avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au second ciel. Il demanda l'ouverture de la porte et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit et salua Jésus fils de Marie et Jean, Yahya, fils de Zacharie, alayhim salatu wa sallam. Ils le saluèrent à leur tour, l'accueillirent en lui souhaitant la bienvenue, et exprimèrent leur foi en sa mission prophétique. Puis il y eut l'ascension jusqu'au troisième ciel, où se trouvait Joseph, Youssouf, alayhi salatu wassalam. Ce dernier souhaita la bienvenue au prophète sallallahu alayhi wassalam, et exprima sa foi en sa mission prophétique. L'ascension reprit ensuite, et au quatrième ciel, il y eut un échange de salutations avec le prophète Enoch, Idris, alayhi salatu wassalam, qui reconnut aussi la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cinquième ciel, le prophète alayhi salatu wa sallam rencontra Harun alayhi salatu wa sallam et le salua. Ce dernier répondit à son salut et attesta de sa mission prophétique. Au sixième ciel était présent Moïse. Il y eut un échange de salutations et Moïse alayhi salatu wa sallam exprima sa foi dans la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En voulant continuer son chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit que Moïse alayhi salatu wa sallam pleurait et il lui en demanda la raison. Moïse alayhi salatu wa sallam répondit qu'il pleurait pour avoir vu un homme envoyé après lui en tant que messager qui put mener au paradis davantage de gens que lui-même n'avait réussi à le faire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit le septième ciel où il rencontra Abraham alayhi salatu wa sallam qu'il salua. Ce dernier lui rendit également son salut et reconnut sa mission prophétique. Ensuite, il fut emmené au lotus de la limite, Sidratul Muntaha, et il put voir la maison peuplée, Al-Baytul Ma'mour. Elle ressemblait à la Kaaba, la maison sacrée, et 70 000 anges différents y viennent chaque jour effectuer des tours rituels. Il ressentit ensuite une émotion extrême, car il eut la faveur sublime d'être transporté à proximité de Dieu, le Majestueux, et d'être ainsi un témoin privilégié de la gloire divine. Là, le Seigneur révéla à son serviteur ce qu'il voulut lui révéler et lui prescrivit 50 prières quotidiennes. Moïse, alayhi salatu wassalam, s'adressa plus tard ainsi au prophète, sallallahu alayhi wassalam. Tes disciples ne pourront pas accomplir autant de prières. Retourne auprès de ton Seigneur et implore-le pour qu'il en diminue le nombre. Muhammad, alayhi salatu wassalam, se tourna alors vers Gabriel comme pour lui demander conseil. Oui, si tu le souhaites, acquiesça Gabriel. Et il remonta avec lui auprès de Dieu, exalté soit-il. Dans une des versions d'Al-Bukhari, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demeura sur place. Dieu Tout-Puissant accorda alors une réduction de 10 prières. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam redescendit et rapporta la nouvelle à Moïse alayhi salatu wassalam, qui l'incita de nouveau à effectuer une nouvelle requête pour que le nombre de prières soit encore diminué. Ceci se répéta jusqu'à ce que le nombre des prières fût réduit à 5 seulement. Moïse alayhi salatu wassalam lui suggéra alors d'implorer une ultime réduction, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je me sens maintenant tout honteux de demander sans cesse à mon Seigneur de réduire le nombre de prières obligatoires. J'accepte sa décision et je me résigne devant sa volonté. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'éloigna, il entendit une voix proclamer: mon décret s'est accompli et j'ai allégé le fardeau de mes serviteurs. Ibn al-Qayyim a souligné, citant Ibn Taymiyyah, qu'il y a toutefois controverse concernant le fait de savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Dieu de ses propres yeux ou non. Ce que l'on peut dire à ce propos, c'est qu'aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wa sallam a vu Dieu. Ibn Abbas, radiallahu anhu, aurait dit qu'il s'agissait d'une vision absolue. Il aurait dit également que c'était une vision du cœur, les deux avis n'étant pas contradictoires. Ibn al-Qayyim a dit: cette parole de Dieu, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Sourate 53, verset 8, selon le sens du verset, renvoie à une proximité différente de celle que nous lisons dans le récit du voyage nocturne dans la tradition. Dans ce verset, le pronom personnel « il » fait référence à l'archange Gabriel et non à Dieu. C'est là l'avis de Aïcha et d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhumah. Du reste, c'est ce qu'indique le contexte coranique. Par contre, la proximité dont il est question dans la tradition est bien celle de Dieu. Dans la sourate 53, verset 13-14, il est souligné que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vit l'ange Gabriel près du lotus de la limite. En effet, il le vit deux fois au cours de sa vie sous sa forme réelle, la première sur terre et la seconde près du lotus de la limite. Dieu est plus savant. Certains faits marquants ont caractérisé le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, parmi lesquels nous mentionnerons ceci. Premièrement, la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam fut fendue par Gabriel et son cœur extrait et lavé avec l'eau de la source sacrée de Zamzam à la Mecque. Deuxièmement, dans le même contexte, deux coupes furent apportées au prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait du lait dans l'une tandis que l'autre était remplie de vin. Il eut à choisir l'une d'elles et son choix se porta sur la coupe de lait qu'il but. Gabriel lui dit alors: « Tu as été guidé par ta nature primordiale, ta fitra. Si tu avais choisi le vin, ta communauté aurait sombré dans l'égarement. » Il s'agit là d'une parabole pour dire que le bien et le mal furent proposés au prophète alayhi salatu wassalam sous forme de lait et de vin et qu'il choisit instinctivement le bien. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avoir vu au paradis quatre fleuves, deux apparents, le Nil et l'Euphrate, et deux cachés. Le Nil et l'Euphrate décrivent symboliquement la région des vallées fertiles où le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouvera un écho favorable. L'islam s'y établira et ses habitants demeureront toujours attachés de façon fervente à cette religion qui sera transmise de génération en génération. Mais cela ne suggère en aucun cas que ces fleuves prennent leur source au paradis. Quatrièmement, le prophète alayhi salatu wassalam put voir Malik, le gardien de l'enfer, dont le visage était sombre et renfrogné. Il aperçut les habitants de l'enfer parmi lesquels il y avait ceux qui s'appropriaient injustement les biens des orphelins. Ils avaient des bosses comparables à celles des chameaux, ils avalaient des pierres brûlantes qui ressortaient ensuite par leur anus. Il y avait aussi les gens qui mangeaient l'usure, leur ventre était trop gros pour qu'ils puissent se déplacer et ils étaient piétinés par la famille de Pharaon que l'on exposait au feu de l'enfer. Il vit également ceux qui commettaient l'adultère. Ceux-ci se voyaient proposer de la viande grasse et savoureuse, ainsi que de la viande pourrie, mais ils ne prenaient que de cette viande décomposée. Les femmes débauchées, quant à elles, étaient suspendues par leur poitrine. Cinquièmement, le voyage nocturne suscita beaucoup d'émotions parmi les gens et de nombreuses questions furent posées à Muhammad alayhi salatu wassalam par une foule de personnes sceptiques. Il leur dit qu'il avait vu les chameaux des commerçants mécois sur le chemin du retour, puis leur donna même des indications au sujet d'un chameau que les caravaniers avaient égaré. Il leur dit aussi qu'il avait bu de leur eau alors qu'ils étaient profondément endormis. Les mécréants, cependant, trouvèrent là un bon motif pour railler les musulmans et leurs croyances. Ils harcelèrent le prophète alayhi salatu wassalam avec des questions relatives à la description de la mosquée de Jérusalem où il ne s'était jamais rendu auparavant, Mais au grand étonnement de tous, le prophète alayhi salatu wassalam leur fournit des informations extrêmement précises sur la cité de Jérusalem. Il leur donna également toutes les indications concernant leur caravane, leur heure d'arrivée ainsi que la caravane qui allait atteindre en premier la Mecque. Tout se passa comme il leur avait dit, mais cela ne fit qu'augmenter leur réticence et ils s'obstinèrent dans la négation. Les musulmans sincères, quant à eux, n'étaient pas surpris par les détails relatifs au voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam. Dieu, qui est suffisamment puissant pour avoir créé les cieux et la terre par un acte de sa volonté, est sans nul doute capable d'élever son messager alayhi salatu wassalam au-delà des cieux afin de lui montrer ses signes lui-même, car sans cela, ceci resterait inaccessible à l'être humain. Les mécréants allèrent trouver Abu Bakr pour lui rapporter les propos de Muhammad alayhi salatu wassalam, et celui-ci dit immédiatement « Oui, j'atteste de sa véracité ». Ce fut à cette occasion qu'il reçut le surnom d'As-Siddiq, le véridique. La justification la plus concise et la plus éloquente de ce voyage est exprimée par la parole de Dieu, exalté soit-il. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. L'une des lois immuables de Dieu consiste à montrer ses signes à ses envoyés. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Sourate 6, verset 75, selon le sens du verset. À Moïse, alayhi salatu wassalam, Dieu dit, selon le sens du verset, « Linuriyaka min ayatina al-kubra » afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Sourate 20, verset 23. Le verset 75 de la sourate 6, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction, met en exergue la sagesse de ce comportement divin. La connaissance que Dieu enseigne à ses prophètes, ajoutée aux signes qu'il leur montre, leur confère une science certaine. Ainsi supportent-ils, pour plaire à Dieu, des épreuves qui seraient trop dures pour les gens ordinaires. Ils ne font aucun cas ni des puissances de ce monde, ni des souffrances qu'ils endurent. Les sagesses et les mystères que recèlent les détails du voyage nocturne ne peuvent être ici étudiés. Cela relevant du domaine de la littérature des mystères de la religion, Asrar al-Sharia. Mais il y a des faits simples qui émanent de ce voyage béni que nous citerons ci-après. Dans le Coran, le récit de ce voyage est résumé dans le premier verset de la sourate 17, le voyage nocturne. Les versets suivants, quant à eux, s'étendent sur les actions honteuses et sur les forfaits commis par les enfants d'Israël avant de préciser que le Coran guide vers la voie la plus droite. Cet enchaînement n'est en fait pas une pure coïncidence. Le voyage nocturne qui conduisit le prophète alayhi salatu wassalam à Jérusalem indiquait que la direction de l'humanité allait être enlevée aux Juifs à cause de leur comportement qui les rendait indignes d'assumer plus longtemps cette responsabilité. Cette charge incomberait désormais au messager de Dieu, sallallahu alayhi wassalam, qui se voyait ainsi investi de la direction des deux centres de la prédication abrahamique, Jérusalem et la Mecque. Le temps était venu de transférer l'autorité spirituelle d'une communauté devenue irrespectueuse de la loi divine à une nouvelle communauté dont l'action serait fondée sur le bien et dont le prophète serait guidé par la révélation du Coran, livre qui conduit vers la voie la plus juste. Mais se pose alors la question suivante. Comment cette transition annoncée de la direction pouvait-elle s'effectuer alors que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, était persécuté? Cette question lève le voile sur la vérité suivante. La prédication islamique était à l'aube d'une nouvelle phase différente de la précédente. Les versets annonçant cette nouvelle ère étaient empreints d'un avertissement direct et non équivoque à l'adresse des polythéistes. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Sourate 17, verset 16-17, selon le sens des versets. Allant de pair avec ces versets, il y eut d'autres qui établirent les principes de la civilisation sur lesquels les musulmans devaient fonder leur société islamique qui était encore dans les limbes. Tout se passe comme si les musulmans étaient en position de force, dominant la terre et formant une unité conférant la stabilité à la société qui est la leur. En fait, le Coran annonçait à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait bientôt trouver un asile sûr qui serait un centre d'où s'élancerait vers les contrées du monde sa prédication. C'est là un des secrets qui se dégage du voyage nocturne. C'est pourquoi pensons-nous que cet événement s'est produit avant le premier serment d'Al-Aqaba ou entre les deux serments d'Al-Aqaba, Dieu demeurant le plus savant.